Bonsoir à vous, chers auditeurs, auditrices. Merci de nous rejoindre dans ce journal. Voici tout de suite les titres. Radio Isanganilo soufflera ce lundi 18 novembre sa 22e bougie dans son mot dédié à la radio. Gaspard Balatouza, porte-parole du ministère de Défense, apprécie le fait qu'Isanganilo ne s'est jamais abstenu de traiter des questions relatives à la sécurité. Dans les nouvelles de province à Kayanza, les cultivateurs de maïs de la commune Kayanza se lamentent qu'ils n'ont pas encore reçu les fertilisants, alors qu'ils sont très utiles dans la période de sarclage des champs qu'ils ont déjà entamé. Le directeur provincial du bureau en charge de l'agriculture craint un faible rendement. Nous irons également à Kirundo, où les femmes de la colline Kimeza ne conçoivent pas de la même façon l'idée d'utiliser les méthodes contraceptives dans l'espacement des naissances. Certaines pensent que c'est bien et d'autres sont persuadées que ça va à l'encontre de leur foi. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabide. Alban Douayo assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue. La radio Isanganiro qui fête ce lundi son 22e anniversaire traite depuis sa création des émissions d'information de façon professionnelle sans oublier les questions relatives à la sécurité et à la défense. Le porte-parole du ministère de la Défense et des Anciens Combattants qui le dit évoque le fait que la radio Isanganiro est la première au Burundi à avoir commencé de diffuser en ligne. Général de brigade Gaspard Balatouza regrette toutefois que la radio ne peut pas être captée partout dans le pays et demande qu'elle fasse tout pour qu'elle puisse l'être. Suivez-le, il est au micro d'Omere Kanyang. Radio Isanganiro, avec l'expérience de 22 ans, elle a déjà fait grand-chose. Avec des journalistes chevronnés, moi je me souviens, lorsque j'ai commencé à être porte-parole du ministère de la Défense nationale des anciens combattants en 2009, j'ai travaillé avec des journalistes de la Radio Isanganiro qui m'orientaient avec des émissions, avec des invitations pour les plateaux, les panels, les échanges. Les questions relatives à la défense et sécurité ont été traitées d'une façon professionnelle et je dirais que j'ai été formé à partir de là. Je me rappelle bien que lorsque j'ai été déployé en 2007 à la mission de maintien de la paix en Somalie, lorsque je voulais écouter des informations en langue nationale, je captais la radio Isanganiro sur le net. Donc ça a été le premier médium qui a lancé les émissions en ligne, Radio Isanganiro. Et on écoutait chaque fois. C'était vraiment impeccable. Au fur et à mesure, les autres ont rejoué et mettent en ligne aujourd'hui. Mais c'est Isanganiro, si je ne me trompe pas, qui a commencé. Autre chose, Radio Isanganiro, avec des émissions diversifiées, a informé le public. Dans les alentours, moi, là où j'habite, j'entends des personnes qui parlent d'Isanganiro, mais avec des petits postes qui écoutent. Donc, c'est spécial, c'est spécifique. Donc il faut continuer dans ce même sens, avec les émissions variées, avec les journaux. Et principalement moi, je suis l'actualité, c'est ça qui m'intéresse, mais aussi avec des débats, certains débats, j'écoute souvent. Autre chose, je suggère, c'est que dans certaines régions, il y a des zones d'ombre, lorsque tu arrives là-bas, tu n'écoutes plus les radios, que ce soit Isanganiro ou les autres radios qui émettent à partir du Burundi. Là, à part les radios, bien sûr, communautaires, qui sont localisées là-bas. On suggère qu'on fasse tout pour qu'avec cette terre nouvelle, on puisse tourner le bouton vers le médium qu'on veut écouter, étant sur le territoire national. Page agriculture, les cultivateurs de maïs de la commune et province Kayanza se lamentent que les engrais chimiques de type urée ne sont pas disponibles alors que c'est la période de sarclage des champs de maïs où ces fertilisants sont très utiles. Ils disent qu'ils ont même déjà payé l'avance. Le directeur provincial du bureau en charge de l'agriculture à Kayanza confirme l'indisponibilité de ces fertilisants. Adeline Nyonsaba dit craindre la chute du rendement agricole. Il tranquillise toutefois les agriculteurs que la question a été déjà soumise au chargé de la distribution de ces engrais. Patrick Senguiyumba. Les agriculteurs de la commune et province Kayanza, avec lesquels nous nous sommes entretenus sur le retard des fertilisants, surtout l'engrais chimique de type urée, grognent beaucoup que la végétation de leurs champs de maïs n'est pas bonne. Ils indiquent qu'ils ont même payé des avances pour ces engrais chimiques, mais qu'ils les ont attendus, mais en vain. Certains parmi ces agriculteurs à Kayanza disent d'ailleurs qu'avec l'absence de l'urée, ils font recours aux autres fertilisants, mais regrettent qu'ils ne sont pas efficaces, comme ces engrais chimiques fabriqués par l'usine FOMI. Les agriculteurs à Kayanza demandent au service en charge de la distribution de ces engrais chimiques, en collaboration avec le bureau en charge de la protection de l'environnement, l'agriculture et l'élevage à Kayanza, de rendre disponibles les fertilisants organominéraux. Contactez le directeur à ce bureau, celui-ci n'a pas nié les propos des agriculteurs selon lesquels les fertilisants de type IRE sont en retard, ce qui peut, selon lui, impacter négativement sur la production du maïs attendu à la fin de cette saison culturelle en cours. Adeline Yonsaba tranquillise toutefois les agriculteurs que la question a été déjà soumise aux services habilités pour y trouver solution. Vous saurez qu'au début de cette saison culturelle, beaucoup des agriculteurs à Kayanza grognaient également qu'ils n'ont pas eu de la dolomie pour fertiliser leurs plantations agricoles. Depuis Kayanza, Patrick Nsengui va pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. En éducation, plus de 300 enfants ont été inscrits en première année fondamentale un mois après la rentrée scolaire 2024-2025 en province Ngozi. C'est après un appel lancé par le directeur provincial de l'éducation à l'endroit des parents retardataires ayant des enfants en âge scolaire mais qui n'ont pas amené leurs enfants à l'école. La coalition Bafashebige, qui plaide pour une éducation pour tous, salue l'initiative de ce directeur, mais il appelle l'administration de la commune jusqu'à la colline de faire sienne cette activité, selon Denis Baramanze, chef d'antenne provinciale, l'adjoint de cette coalition. L'implication de l'administration pousserait les parents récalcitrants à rejoindre les autres. Apollinaire Muzagara. Comme l'indique Jean-Pierre Ndikudiayo, directeur provincial de l'éducation à Ngozi, le constat après la rentrée scolaire a été qu'il y a eu des parents qui n'ont pas fait inscrire leurs enfants en âge scolaire vu les effectifs des élèves attendus, d'où l'appel à tous les parents concernés à le faire en ayant une semaine. Plus de 200 enfants ont été enregistrés durant cette période, toujours insuffisant selon toujours le DPI Ngozi, d'où un autre appel pareil qui a amené les effectifs à 344 actuellement. Jean-Pierre Ndikudiayo félicite les communes comme Ruhororo qui ont pris le devant avec 170 inscrits et fait un clin d'œil aux dernières, notamment Nyamurenza, afin qu'elles se ressaisissent. La coalition EPT Bafashebige, Antenne Ngozi, salue l'acte louable du DPI Ngozi, Denis Baramanze, chef d'antenne provinciale adjoint Bafashebige, demande aux administrateurs communaux d'intimer l'ordre aux conseillers collinaires pour faire l'inventaire des parents récalcitrants et d'en connaître les mobiles de la non-inscription de leurs enfants. De là, selon toujours Denis Baramanze, les parents qui font la sourde oreille seront contrés à le faire et pour ce, au motif valable, Bafashebige demande l'intervention de la communauté et d'autres intervenants dans ce secteur pour que ces enfants soient scolarisés comme les autres. Jean-Pierre Ndikudiayo et Denis Baramanze parlent d'énormes pertes pour l'enfant, la famille et même le pays quand un enfant reste à la maison. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Il est 18h passé 8 minutes dans nos studios. Dans la suite de cette édition, les croyances en ce qui concerne les méthodes de contraception divergent chez les femmes de la colline Kimeza de la commune Mgambarangwe en province Kirundo. Certaines pensent que recourir à ces méthodes est utile et d'autres sont persuadées que ça va à l'encontre de leur foi. Lors des activités organisées par le projet Melangabandi ce vendredi sur cette colline, le conseiller du gouverneur chargé des affaires sociales, Jean-Baptiste Kwizera, a interpellé les responsables religieux à développer des sujets qui aident leurs fidèles à comprendre la santé reproductive. Agnès Naumagadze. Ces femmes qui utilisent des méthodes contraceptives dans l'espacement des naissances disent qu'elles éprouvent de la facilité dans l'accomplissement des tâches ménagères et vaquent aux activités de développement sans problème car elles ont, c'est vrai, leurs enfants étant à l'âge adultes. Contrairement à d'autres qui ont parlé sur le micro de la radio Isanganiro, qui considèrent cela comme un péché parce que cela n'est pas conforme à leur foi. Ces femmes continuent à souligner que dans leur religion, elles n'ont pas eu l'accès aux enseignements sur la santé reproductive et qu'elles utilisent seulement le bon sens. Ces femmes ont continué à ajouter qu'il arrive des fois, ils se trouvent dans des situations où elles tombent enceintes alors qu'elles ont des enfants à l'âge très bas et éprouvent des difficultés même à vaquer aux ses activités et à les nourrir. Certaines parmi ces femmes ont 5 à 9 enfants. Les deux parties conviennent que s'ils ont beaucoup d'enfants et qu'ils n'ont pas assez de moyens pour les nourrir, ils éprouvent toujours des difficultés. Kwizera Jean-Baptiste, le conseiller du gouverneur chargé des affaires sociales, interpelle les responsables religieux à développer des sujets qui aident leurs fidèles à comprendre la santé reproductive et de donner naissance aux enfants dont la famille est capable à prendre en charge. Depuis Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès. Toujours santé, l'administration provinciale à Gitega apprécie positivement les activités de l'association dénommée Jeunesse engagée pour la promotion de la santé communautaire. Des activités, entre autres le dépistage et le traitement des signes du cancer du col de l'utérus, la vaccination des enfants et d'autres. C'est ce que cette association fait. Cependant, le représentant légal de cette association indique qu'elle fait face à différentes difficultés comme le manque des moyens financiers et des infrastructures et demande appui. C'est au moment où ce vendredi, les membres de la dite association participaient à une réunion d'auto-évaluation et de fixation des perspectives d'avenir. Gérard Nibigira. Le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus, la vaccination des enfants, les consultations pré- et post-natales et d'autres, tels sont certains des services offerts par l'association Jeunesse engagée pour la promotion de la santé communautaire JEPSCO en sigle via son projet Batatuweza, comme le précise son représentant légal Egide Ndagijimana. Nous faisons la vaccination des nourrissons et des femmes enceintes. Aussi, nous faisons le dépistage des lésions précancéreuses du corps et la prise en charge. Le cancer n'est pas traité, mais on parvient à diagnostiquer à temps les lésions précancéreuses. Ce sont les signes qui commencent avant que la femme souffre du cancer. Donc ce sont ces signes-là que nous traitons et on a beaucoup de témoignages que la majorité des femmes qu'on a déjà pris en charge sont déjà guéries. Aussi, nous offrons des services de la santé de la reproduction, la maternité à moindre risque en général. D'autres services que nous offrons, c'est la prise en charge global de PVVH. L'administration provinciale à Gitega se dit alors satisfaite des réalisations de cette association dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'agriculture. Toutefois, le représentant légal de la JEPSCO parle des défis auxquels fait face son association, comme le manque de moyens financiers et des infrastructures propres à elle, et demande donc des interventions variées. D'abord, nous demandons au ministère de la Santé publique de continuer à nous appuyer et aussi de faciliter à ce que nous soyons connectés avec des partenaires qui interviennent dans le secteur de la santé. Nous demandons aux organisations tant internationales que locales de continuer à appuyer les organisations de santé qui ont déjà parvenu à des œuvres qui sont satisfaisantes. Puis nous demandons au ministère ayant en charge les constructions, les travaux publics de nous appuyer en nous offrant une parcelle propre pour que nous ayons notre propre endroit comme ça, les frais de location vont être réduits. C'est au moment où ce vendredi, les membres de la JEPSCO, composés essentiellement des lauréats qualifiés dans le domaine de santé, étaient dans une réunion d'analyser les réalisations faites par l'association pendant les 5 dernières années et de fixer les perspectives d'avenir pour les 5 prochaines années. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Et pour boucler cette édition, 32 ans après sa mort, l'artiste burundais Nikiza David continue d'inspirer la nouvelle génération d'artistes. Sa musique était basée essentiellement sur un style tradit moderne et du afro-jazz avec des messages qui relatent le patriotisme ou évoquent des problèmes sociaux sans oublier les thèmes d'amour. David Nikiza reste un des grands artistes que le Burundi ait connu. C'est un récit de Christian Xavier. Nikiza David, connu sous le pseudonyme de Nicky Dev, était un artiste et musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète, qui est né sur la colline Shigiro à Vugizo en 1948. Il a fait ses études primaires à Ngagara quartier 2 et secondaire à l'école moyenne pédagogique de Kibimba, une école reconnue comme formateur de grands artistes, puis à Bujumbura à l'Athénée, où il a fait connaissance avec d'autres artistes burundais qui vont plus tard évoluer ensemble et construire leur carrière. Je t'attendrai là-bas. En 1972, à cause de la guerre, il passe par le Congo pour rejoindre le Rwanda où il continue la musique et fonde son orchestre The Fellows. Plus tard, il devient journaliste culturel sur les ondes de la radio Rwanda. Quelques années plus tard, il quitte le Rwanda et va à Nairobi, rencontre d'autres artistes burundais comme Africa Nova, Tula, Tanga, le frère de Kajanine, et sort plusieurs tubes comme Shore Zinyange, Pamba Mayaya et Je t'attendrai là-bas, etc. Il regagne sa patrie, le Burundi en 1978, et connaît plusieurs succès et difficultés après avoir fondé le Kresse Amabano. En 1984, il décide de changer de carrière et chante du gospel. Il sort 4 albums, chacun de 10 chansons, soit 40 chansons destinées au Seigneur. Il tombe malade et rend l'âme le 17 novembre 1992. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à tous de nous avoir prêté oreille. À la présentation, vous étiez avec Doré Bingabide. Albert Douayo assurait la mise en onde. Bonne soirée à toutes et à tous.